Soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, on regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone, pour lui pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 5 février 2026. Démodés sont sensibles, actualités politiques, sociales et culturelles. En direct de 12 à 13 heures, cette émission sera rediffusée ce vendredi 6 février, 8h et 19h comme habitude. C'est le deuxième rendez-vous direct de cette semaine, de cette première même de février. Avec au menu deux sujets principaux à l'ordre du jour. Un programme culturel en deuxième partie d'émission qui sera consacré à cette soirée concert qui aura lieu du côté de la salle Le Fil ce vendredi 6 février. Trois groupes, trois styles, avec une soirée qui va regrouper ces formations-là, Vulgaire Machin, Not Scientist et Les Shérifs. Le bon vieux groupe de rock'n'roll qui est de retour en terre stéphanoise et que nous avions rencontré au micro de Dio, c'était en 2018 déjà lors d'un concert au Clapier, quand c'était leur grand comeback justement à l'époque. L'occasion de retrouver cette interview pour vous annoncer cette soirée de ce vendredi, se replonger un petit peu dans Les Shérifs et puis cadeau à la clé, restez bien à l'affût, à l'écoute, une place... Toute dernière place est à gagner pour ce concert de ce vendredi soir. Et puis premier sujet consacré à un événement... écologiste, on peut le dire ainsi, et surtout un événement prévu le 11 février prochain. Liken est avec nous pour nous en parler, bonjour à toi. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue sur le 895 de Dio, bienvenue et merci surtout d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette rencontre projection qui est prévue mercredi prochain, c'est dans quasi tout juste une semaine, le 11 février, au Miliès Jean Jaurès, à l'occasion de la sortie du film Soulèvement. C'est un film qui revient sur... les soulèvements de la Terre, le mouvement qui fête ses 5 ans finalement, quasi anniversaire, hein, janvier 2021, janvier 2026. Le film est actuellement en tournée française, en avant-première. Il est par exemple ce soir même à Metz, en Moselle, avec des membres de Sauvons la forêt de Mercy, les terres du pays Messin. Il est ensuite projeté en avant-première, toujours en présence du réalisateur Thomas Lacoste et des amis du monde diplomatique dans le Finistère, à Quimper. Une table ronde y est prévue, notamment à Douarnenez, encore ce 6 février. Dans les Yvelines ensuite, avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Et puis d'autres rencontres multiples avec des naturalistes, avec la Confédération paysanne, avec Attaque, avec le réalisateur bien entendu. Et puis le 11 février Liken, figure-toi que le film sera projeté pour la première. La date de sortie prévue de ce film est effectivement le 11 février. Thomas Lacoste ne sera pas à Saint-Etienne. Non. Il sera à Paris pour cette première du 11 février prochain, avec une discussion prévue autour de la répression, criminalisation croissante des mouvements de défense du vivant, avec Hervé Kempf de Reporter. Et puis le mouvement de soutien aux défenseurs défenseuses de l'environnement, la Confédération paysanne Île-de-France, etc. Ça, c'est pour la première parisienne, la première stéphanoise. Elle sera au Méliès Jean Jaurès avec le soulèvement ou les soulèvements de la terre, le mouvement comité local que tu représentes aujourd'hui. Les soulèvements du forêt, effectivement. Oui. Voilà. Et avec d'autres invités, parce que ce sera l'occasion de faire un panorama des enjeux aussi et des luttes, finalement, écologiques locales dans nos terres, à la fois ligériennes ou. À proximité, je dirais. On va justement avoir l'occasion, durant cette toute première partie d'émission, de présenter tout cela en détail. Merci encore à toi d'être avec nous. On se retrouve d'ici un instant, juste après cette première pause musicale, comme le veut notre règle d'or sur cette antenne, celle de vous proposer, présenter, diffuser et voire même gagner les albums de ces artistes soutenus chaque semaine via notre fédération nationale, la fédération des radios associatives Musiques Actuelles ou Radio Rock de France. La Ferra Rock qui soutient, je vous l'ai présenté en début de semaine, Canard pour l'album On est ensemble qui est sorti il y a tout juste quelques jours, c'était le 30 janvier. Deuxième proposition en découverte cette semaine et je vous propose donc de nous arrêter sur l'album de Nasty Joe, l'album The House. C'est en fait un EP plus qu'un album, mini-album donc, qui est sorti lui le 16 janvier dernier via les labels M2L Music et A Temps Rêvé du Roi. C'est un disque entre indie, post-punk, voilà, on va dire dans cet univers-là, avec de forts accents, je dirais, 90s. Le groupe a quelques centaines de concerts à son actif un peu partout en France. Sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, Prix Chorus, Nasty Joe donc a enchaîné avec de nouvelles compositions pour un premier album, The House, enregistré et mixé par Baptiste Leroy, qui a travaillé avec Stretchers, Johnny Jane et j'en passe. Je vous propose bien de rentrer dans la maison de Nasty Joe, dans leur univers musical et toutes les pièces particulières dans lesquelles ou dans lesquelles ils nous invitent, puisque c'est une invitation, effectivement, comme ils nous le disent, à entrer, à se confronter, à se reconstruire. The House par Nasty Joe, je vous propose de découvrir parmi ces 10 titres eh bien la septième que j'ai retenue qui s'appelle Les choses qu'on ne dit pas forcément, Things Unsaid, c'est la partie 1 que je vous propose donc de découvrir. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Things Unsaid Part 1, c'est le titre de Nasty Joe que je vous ai proposé de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est la découverte, le partenariat Ferra Rock cette semaine. Plus d'infos sur ces artistes soutenus, Canard, Nasty Joe, les albums On est ensemble et The House, via le site dédié ferrarock.org, bien entendu. Et puis, à écouter notre programme mutualisé et collectif, le programme Dig Dig Diggers que vous retrouvez chaque semaine sur les stations Ferra Rock et donc sur le 895 de Dio. C'est le jeudi à 19h, rediffusé le vendredi à midi et le lundi en matinale dès 8h. Vous retrouverez donc cette semaine un module rencontre, écoute, interview auprès de Canard avec Radio Balade, la radio Rare, Sauvage a rencontré justement Nasty Joe pour présenter cet album The House. Et puis vous retrouverez encore Radio Méga pour une carte blanche sur la discothèque féministe. Voilà pour le programme Dig Dig Diggers de cette fin de semaine sur le 895 de Dio. Des mots du son sensibles qui s'ouvrent avec notre premier sujet alors du jour de ce programme, question des soulèvements, avec ce film donc, qui va paraître ce 11 février, nouveau film documentaire de Thomas Lacoste, un film au format d'ailleurs, hors format je dirais documentaire, souvent sous les 52 minutes, on est là 1h45 hein, de documentaire pour ce nouveau film de Thomas Lacoste qui revient sur les soulèvements de la Terre. On va présenter aussi ce film que Liken, qui est avec nous, a déjà pu visionner en avant-première donc avant la sortie officielle le 11 février, un film qui justement sera à l'affiche à Saint-Étienne au Méliès Jean Jaurès. Ce sera à partir de 21h avec les soulèvements de la Terre, comité local forêt qui sera présent aux côtés d'autres organisations, associations ou collectifs en lutte actuellement. Ce sera l'occasion de dresser un petit peu ce panorama local. Merci Liken à nouveau d'être avec nous. Peut-être premier mot un peu assez générique finalement pour revenir sur eh bien ce mouvement. Ces mouvements, peut-être, on le disait en toute ouverture, 5 ans d'existence pour les soulèvements de la Terre, janvier 2021, janvier 2026, rappel de la jeunesse finalement et création de ce mouvement. Oui, effectivement, ben, merci pour l'invitation. Eh bien, tu l'as dit, oui, depuis janvier 2021 que s'est créé ce mouvement qui n'est pas une association, c'est vraiment un mouvement. C'est pour ça qu'on ne veut pas le dissoudre, entre autres. On va y revenir. Et donc, en fait, c'était des personnes après Notre-Dame-de-Landes. Donc, la victoire, donc c'était une longue lutte, je pense que beaucoup d'auditeurs, auditrices l'ont en tête. Donc, suite à une longue lutte, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, avait été abandonné. Et après ça, il y en avait un certain nombre qui avaient participé à la lutte, qui s'étaient dit, mais bon, ok, ici, on a gagné. Enfin, il y avait encore des choses à faire, évidemment, sur place, mais il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Et est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de ça, une forme de participer un petit peu de l'élan qu'il y a eu pour en faire profiter aussi d'autres luttes? Et c'est à ce moment-là que donc il y avait à la fois des personnes qui avaient participé à cette lutte à Notre-Dame-des-Landes, et puis il pouvait y avoir aussi des paysans, des écolos, des autonomes, voilà, qui ont souhaité comme ça se rassembler. Et puis plutôt qu'il y ait des luttes ponctuellement comme ça qui existent, mais essayer de faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui un peu rassemble et qui fasse bénéficier un petit peu les dynamiques de chacune pour les autres, quoi. Mais voilà, et ça a démarré comme ça. Et puis, donc, il y a eu différentes thématiques. La plus connue, c'était celle contre les projets de méga-bassines. Il y a pu y en avoir aussi contre des gravières, des carrières de sable. Des centrales à bitume. Voilà, aussi. On va en reparler. Il y a pu effectivement avoir ça par rapport par rapport à des autoroutes, enfin, différentes choses. Les aspects, c'était surtout de lutter contre l'accaparement de la terre et de l'eau. Enfin, c'est vraiment par rapport à ces biens communs qui sont essentiels pour notre présent, pour notre avenir. Donc voilà, c'était tout ce qui peut toucher à ça. Et oui, ça nous ramène d'ailleurs à ce logo, hein. On le visualise très bien, le logo des soulèvements de la Terre, qui est ce symbole en électricité, hein, ouais. Qui est qui représente la mise en terre, hein, la mise à terre même plutôt, ouais. Et donc la reconnexion aussi à la Terre. Et ce message est donc symbole en tout cas du mouvement. Un mouvement opposé à l'accaparement des terres, tu l'as dit, et puis on va dire toute lutte contre les projets d'aménagement, contre l'agro-industrie. Comment dire, aujourd'hui un collectif décliné en de multiples comités nombreux. Je ne sais pas combien il y en a de recensés aujourd'hui à ce jour en janvier 2026, mais on parlait de 250-270 comités locaux il y a déjà quelques temps. Est-ce que c'est toujours le cas? On parlait de plus de 100 000 comment dire aussi sympathisantes, adhérents finalement aussi au mouvement. Alors, Ça, effectivement, c'était notamment il y a bientôt 3 ans maintenant, quand il y avait eu donc, la lutte à Sainte-Soline contre cette bassine, enfin un événement très marquant, et la volonté après donc, du gouvernement, de Darmanin, de dissoudre les soulèvements. Et c'est là qu'il y a eu vraiment un gros électrochoc au niveau national, et qui a amené donc, beaucoup de personnes, tu l'as dit, hein, centaines de milliers, à s'y opposer et à former donc, des comités locaux. Donc le chiffre que tu as indiqué, c'était sans doute à ce moment-là, quoi, en réaction. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours peut-être de 150 environ. Voilà. Après, chaque comité local, évidemment, enfin, a sa vie propre. Ça dépend des personnes qui le composent, qui arrivent, qui partent, et voilà. Mais donc nous, on existe, les soulèvements du Forêt, depuis cette période-là, depuis donc, effectivement. Issu de cet élan-là, quoi. C'est ça, exactement. De solidarité qui s'est tout à fait manifesté au moment de cette annonce de dissolution du ministre Darmanin de l'Intérieur à l'époque. Exactement. D'accord. Vous êtes le seul comité local en terre ligérienne, dans la Loire, donc. Alors actuellement, oui, il y en avait un sur Saint-Étienne, bon, qui est peut-être un petit peu en sommeil là, mais bon, qui pourra redémarrer. Donc oui, sur la Loire, effectivement, c'est celui du Forêt. Et alors justement, les comment dire, modes d'action ou tactiques sont multiples. Ça va de la désobéissance civile aux formes de résistance assez classiques, à des formes plus radicales d'action directe, de blocage, voire de sabotage. Hein. Ça fait partie un petit peu de... On parle de désarmement, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est pour montrer que l'armement, c'est ceux d'en face, en fait. C'est ceux qui détruisent vraiment, encore une fois, le bien commun, donc qui polluent l'accès à la terre, l'eau, etc. C'est une forme d'armement et de destruction. Et donc nous, on vient en s'opposant à ça, donc on parle à ce moment-là de désarmement. Ben merci de la précision, et surtout je voulais aussi dire qu'il s'agissait de convergence finalement aussi de, à la fois d'action et de lutte, et donc finalement les soulèvements de la terre, comment dire, agglomèrent comme ça aussi bon nombre d'autres associations, organismes, associations, collectifs. Je pensais à ça aussi en termes aussi d'implantation locale. Je pense à Extinction Rebellion, je pense à Alternative, dont on a parlé tout à l'heure, enfin plein d'associations et collectifs. Oui, on connaît bien Extinction Rebellion sur Saint-Étienne. Et en fait, effectivement, il y a une précision importante qui est que nous, on n'initie pas en tant que comité des luttes. On vient en soutien à des luttes, comme il y a les trois là dont on parlera un petit peu après. Voilà, sous les différentes formes que effectivement tu as évoquées, ça peut être participer à des rassemblements, comme il y a eu à Boin par exemple le 10 janvier dernier, une manifestation où il y avait eu devant le siège de Loire-Forêt aussi par rapport au même sujet. Ça peut être essayer de diffuser les informations au maximum. Donc il y a différents biais. Ouais. On va revenir justement effectivement aussi à la situation locale et donc aux luttes locales. Peut-être revenir sur cette peut-être vision un peu d'ensemble en premier lieu, et peut-être par des événements marquants. Je ne sais pas ce que toi tu retiendrais un petit peu dans les soulèvements, à part donc peut-être cette création en 2021, certes, et Notre-Dame-des-Landes, cette tentative de dissolution, mais on ne dissout pas un mouvement, comme le rappelait à l'époque le slogan aussi, et qui a été suspendu, il faut le rappeler, puis annulé par le Conseil d'État en novembre 2023. Mais quels autres peut-être événements marquants tu retiens? Moi, en ce qui me concerne, je me permets de le préciser, ce serait peut-être la répression qu'a connue le mouvement, au-delà des soulèvements de la terre, je veux dire le mouvement, les mouvements de lutte et de résistance, et notamment lors de Sainte-Soline par exemple, la répression policière hallucinante énorme, quand même, qui s'est produite, quoi, avec ce qu'on a encore vu dernièrement et des images notamment révélées par la presse Libé ou Mediapart par exemple, et des propos tenus par les forces de l'ordre même qui sont assez choquantes. Je retiendrai encore plus localement ou régionalement peut-être ce message lors de la fête des Lumières à Lyon quand même, sur l'hôtel de ville, lutte antiraciste, lutte écologiste, là aussi convergence, finalement aussi un petit peu de lutte qui était comme ça projetée sur l'hôtel de ville de Lyon. Voilà, ce sera un petit peu les événements marquants que moi je retiendrai. Qu'est-ce qu'il en est de ton côté ? Mais on peut ajouter, pour ce qui peut parler aux auditeurs et auditrices, c'est également par rapport à la 69. Donc l'autoroute entre Toulouse et Castres, où bah, là aussi c'est une des associations locales, La Voie est libre et puis d'autres, la Confédération paysanne et d'autres, voilà, qui luttent contre ça. Enfin, on a suivi un petit peu au niveau judiciaire. Malheureusement, en appel, les travaux ont été autorisés à continuer, mais il y a encore des choses qui sont possibles, je crois, au niveau judiciaire. Et puis de toute façon, la lutte se continue. Donc là, c'était aussi un gros soutien des soulèvements, parce qu'en fait, les soulèvements fonctionnent un peu par semestre. Donc il y a des programmes comme ça de lutte qui vont être soutenus sur les semestres à venir. Donc ça, c'est décidé collectivement par les comités des soulèvements, qu'est-ce qu'on soutient. Et donc voilà, il y a des focus un peu comme ça sur 6 mois et qui sont suivis au-delà des 6 mois. Mais donc il y avait celle-ci, la 69, il y a eu aussi par rapport au Lyon-Turin, cette lutte sera présente, il y aura un représentant représentante le 11 dans une semaine au Méliès, voilà. Et puis plus récemment, depuis un an et demi, il y a aussi par rapport à l'Empire Bolloré, les médias, ça a été suite en fait... Désarmant, encore une fois. Mais oui, et ça a été en fait par rapport à la dissolution qui a fonctionné de l'Assemblée nationale. Et donc, avec un gros risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et là, on sait très bien que c'est les mouvements alternatifs, écologistes, sociaux, etc., qui auraient été les premiers en ligne de mire. Donc, pour lutter contre ça, étant donné que Bolloré soutient énormément, évidemment, on le sait, par ses médias, ses news. Heureusement, là, il y a plus C8, mais le journal de dimanche et beaucoup d'autres, Europe 1, etc. Donc, l'avènement de l'extrême droite. Donc, il a été décidé de faire un focus par rapport à ça, donc depuis un an et demi. Donc c'était aussi assez marquant. Et oui, vous avez d'ailleurs, je crois, soutenu cette campagne avec des actions l'année dernière, en 2025. Je ne sais plus où c'était, mais vous avez eu un calendrier aussi assez chargé en 2025. Mais il y a une soirée, je crois, autour de cette question. Alors, nous, localement, effectivement, on en a fait une à Montbrison, au centre social. C'est ça. Au centre social de Montbrison, oui, tout à fait. Tu es très bien renseigné, bravo. Donc, Montbrison dans le forêt. Et oui, où il y avait eu quasiment une centaine de personnes, donc ça avait bien fonctionné, vraiment. Enfin, ce côté de ne pas laisser s'installer tous les jours sur les antennes, en fait, la haine qui se déverse comme ça à flot et qui le pénise les esprits, enfin, c'est insupportable, quoi. Et donc, il y a des actions qui ont été menées, et entre autres, à l'époque des fêtes un peu précédentes par rapport aux cadeaux, des livres, il y avait des marque-pages qui étaient proposés de mettre, donc, parce que il y a aussi beaucoup de il a acquis beaucoup de maisons d'édition via Hachette, Bolloré, et donc on entend parler par rapport à Fayard qui édite Bardella et puis d'autres, tous les auteurs d'extrême droite, et donc pour visibiliser en fait des éditions comme ça. Et il y avait entre autres, par exemple, au niveau local, la librairie L'une et l'autre aussi, qui avait participé aussi à faire connaître cet aspect des choses. Et oui, et puis d'autres librairies, je pense à un rendez-vous, c'était il y a quelques jours, le 21 janvier dernier, à la librairie de Paris, avec Léa Hobson, il y a eu une rencontre dont, oui, les soulèvements de la Terre Forêt faisaient partie. Tout à fait, également. C'est vrai. Et puis donc, ouais, plein d'actions. Moi, j'ai un peu repris votre calendrier 2025 comme ça, de ce que j'en avais retenu, avec la loi Duplomb, bien sûr, qui a été un événement marquant quand même en juin dernier. La lutte des sucs, toujours d'actualité, on va en reparler. Des rencontres aussi sur la question extractiviste, et notamment dans l'Allier en juillet, où il y a une grosse mobilisation aussi des luttes sur ces questions. Le lithium, oui. Et oui, Nos Puces à Rannes, également avec le collectif grenoblois Stop Micro, et vous aviez fait ici d'ailleurs à la Gueule Noire à Saint-Etienne une soirée également en mars l'année dernière. Ouais. Lutte contre le projet éolien du col de la Loge, on va en parler aussi d'ici un instant, même si une décision a été rendue, le Conseil d'État a annulé de manière définitive l'autorisation d'exploiter les éoliennes industrielles en projet au col de la Loge. Il y a d'autres projets en cours, on va en reparler l'week-end. Et il y a eu Lyon-Turin, bien entendu, avec un gros week-end au mois de juin l'année dernière. Et puis bref, voilà, plein de convergences et de luttes comme ça qui ont marqué 2025. J'ai un peu balayé peut-être l'essentiel, ça te semblait les événements peut-être les plus marquants. Mais bravo, pour le forêt. Oui, t'as repris un certain nombre de choses. Alors, tous les événements que tu indiquais se produisaient pas forcément dans la Loire, mais pas très loin. Donc certains d'entre nous ont été présents sur ces luttes, effectivement. Les soulèvements, c'est aussi un film qui sortira ce 11 février prochain. Avec les soulèvements, depuis Notre-Dame-des-Landes, on a déjà obtenu d'autres reculs sur les bassines, peut-être en ce moment même sur la 69, et Les soulèvements sont un peu une sorte de liant, de plein de petites sources comme ça d'espoir qui nous permettent de sortir de l'impuissance collective dans laquelle la répression et le mépris politique auquel on fait face nous plongent depuis une vingtaine d'années. Ce pourquoi politiquement c'est intéressant, je pense, c'est que ça met en commun des existences qui sont différentes. Collectivement, on a une puissance d'agir qui donne de la joie. Et bon, c'est plutôt ça l'écologie, quoi. On a eu l'impression qu'on donnait un peu des armes aux arbres pour se défendre. À 11h du matin, t'as les chapiteaux qui sont déjà montés. C'est incroyable ce qui se passe. Pour nous, c'est important d'emmener les enfants parce que c'est leur avenir et que de leur montrer un peu ce qui se passe. Ils ont enlevé des collines entières. Ils ont fait des trucs que tu penses même pas que c'est possible, en fait. Et puis maintenant, on fabrique la neige, quoi. Donc, est-ce que c'est pas une limite qui s'impose à nous et qu'il faut refuser, quoi. On en arrive à dire, il n'y a plus que la désobéissance, parce que moi, je suis de ceux qui peuvent dire, on a tout essayé. Parce que s'ils s'accaparent tout l'eau, s'ils continuent à polluer les nappes, à détruire ce territoire comme ils le font depuis des décennies, ce territoire, il va devenir invivable. Et quand on voit le déchaînement qu'il y a eu, c'était pas normal, quoi. C'est ce qui permet à nos luttes de perdurer et donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment, de gagner aussi. Ça, dans les soulèvements, c'est quand même quelque chose qui est très présent, de chercher à jouer sur l'amour des territoires et la force que ça donne pour les défendre. L'amour des territoires et les défendre, voilà, c'est bien un mot-clé, ça, du film. Ouais, exactement. Et on le sent bien, effectivement, dans les témoignages, il y en a beaucoup hein, dans le film, hein, il y en a 16. Okay. Beaucoup des jeunes, des femmes. Alors, il y a aussi, effectivement, des plus âgés, c'est bien, par rapport à la transmission des luttes. Et oui, l'attachement à la terre, enfin, ça, c'est... on voit des paysans aussi, donc vraiment, et des personnes qui habitent, en général. Enfin, on défend bien ce qu'on aime, ce qu'on connaît, et donc le territoire sur lequel on est. Et ça part vraiment de là, quoi, la volonté qu'il n'y ait pas des grands projets comme ça, imposés inutiles, qui arrivent sur un territoire souvent pour des questions d'argent, en fait. Les locaux, rejoints par d'autres, ils disent, mais non, nous, on n'a pas envie de laisser faire comme ça, quoi, de tout laisser détruire, que ce soit pour nous, pour ceux qui arrivent derrière nous, quoi. Et donc on s'oppose à ça par différents biais. Et parfois, les luttes sont victorieuses. Heureusement, il faut le dire. Et oui, dans y le y film, a des par victoires. Exemple, on voit par rapport à un projet de retenue collinaire à la Clusaz qui a été abandonné. D'accord, donc le film vient comme ça aussi rendre visible justement à la fois des luttes qui ont réussi avec succès, ou la mobilisation a payé en tout cas, et puis d'autres où ce sont des luttes en cours, enfin voilà, quel est un petit peu le... Ouais, c'est ça. Alors c'est pas forcément décrit comme ça, c'est parce que c'est vraiment... Faut pas forcément, par rapport à ce film, s'attendre à voir vraiment sur la lutte pour les méga-bassines ou autre, des images par rapport à ça. En fait, il y en a, mais c'est plus des photos en noir et blanc, c'est assez visuel, c'est assez chouette, mais c'est vraiment axé sur les témoignages. Donc ce sont des personnes qui témoignent de des luttes auxquelles elles ont participé, comment et puis le pourquoi. Voilà. Et c'est vraiment axé sur, et ça montre ceux qui s'engagent là-dessus, qui ont des parcours tous un peu évidemment différents, mais pourquoi ils s'engagent et ce qu'ils sont. Et je trouve que ça démontre complètement cette image d'éco-terroriste, quoi. C'est des personnes qui essayent de lutter juste par rapport à là où ils sont comme ça a été dit dans la bande-annonce, il y en a, et c'est un gars plus âgé qui dit ça, il a tout essayé, il a été élu vraiment, il a essayé vraiment toutes les voies légales ou autres, et malheureusement parfois il faut en venir à des choses, tu l'évoquais, qui sont de l'ordre de la désobéissance civile. D'où ce portrait choral, donc à 16 voies, 16 trajectoires singulières, c'est ce que présente ce film Soulèvement, donc qui sera à l'affiche du Méliès et en sortie nationale à partir du 11 février. Vous profitez de cette sortie pour une projection rencontre et donner justement aussi à voir l'engagement aussi via la trajectoire aussi d'autres individus, d'autres personnes engagées localement sur nos territoires et sur des projets en cours, des grands projets inutiles et imposés. Alors là aussi, petite précision de comment va se dérouler cette table ronde, qui sera présente et ainsi illustrer aussi justement les luttes locales que vous avez souhaité mettre en valeur. Oui, et lors de la soirée, effectivement, classiquement, donc, il y aura la projection du film donc, à partir de 21h, peut-être juste après une petite présentation rapide du film. Et puis ensuite, donc, il y aura des représentants de 4 luttes qui seront là, donc, contre un projet de centrale à bitume à Boin qui, depuis quelques jours, a une actualité assez chaude, on en parlera après. Également... Tu peux l'évoquer maintenant. Hein. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est depuis des années. Souvent, les projets, ils datent d'il y a longtemps. Et parfois, ils s'accélèrent. Donc, Une centrale à bitume donc dans la à Boin donc à, dans la plaine du Forêt sur une zone artisanale. Une centrale à bitume, c'est une installation donc pour produire du bitume et puis concasser aussi des déchets routiers. C'est quelque chose qui est très polluant par rapport aux émanations donc dans l'atmosphère. Et il faut savoir que c'est à quelques centaines de mètres à peine d'un EHPAD, d'une crèche, d'un collège et d'un lycée. Et puis aussi d'habitation. Donc ça pose vraiment question par rapport à ça. Depuis des années, il y a des riverains qui luttent contre ça. Et là, en décembre, le terrain a été vendu par la communauté de communes Loire-Forêt Agglomération. Ça, c'était prévu depuis longtemps, mais ça s'est fait là un peu en catimini en décembre. Et donc maintenant, le propriétaire peut faire les travaux. Donc il y a eu une présence citoyenne depuis décembre, les matins, à partir de 7h30, quasiment tous les jours, qui a fait dans les premiers jours où il y a des ouvriers qui venaient pour mettre des barrières, présence pacifique, hein, ils n'ont pas pu le faire comme ça. Ils ne sont pas revenus ensuite, mais il s'est plus rien passé pendant un mois et demi. Et là, jeudi dernier, dans la soirée et dans la nuit, l'entreprise, les ouvriers de l'entreprise. Stal TP, exactement, qui ont installé des barrières, fermé sur 650 mètres tout autour donc de la zone où doit être implantée cette centrale à bitume toute la nuit très rapidement, enfin pour profiter du fait que soi-disant ils pensaient qu'il y aurait personne, sauf que la vigilance a fonctionné, donc il y a une trentaine quarantaine de personnes qui sont rassemblées, qui ont essayé là aussi pacifiquement juste de s'interposer un petit peu. Ça a été un peu chaud, il y avait des vigiles avec des chiens et il y a même un manifestant qui a reçu un coup de visseuse d'un ouvrier d'un en fait. Quoi, voilà, ouais. Alors il y a les gendarmes qui étaient présents mais qui assistaient, qui bon voilà. Les vigiles ou cherchaient à empêcher les personnes, les riverains d'approcher, alors que il y a une partie, enfin les voies d'accès sont publiques. Donc il n'y avait pas eu d'arrêté pour l'opposer. Donc ça pose question par rapport à ça. Pour s'opposer à ça, il faut aller, pour ceux qui souhaiteraient soutenir, donc sur le site de 16 Goudron, 16 Goudron tout attaché, C-E-S-S-E, goudron.fr. Il est proposé donc tout un ensemble d'arguments, donc d'écrire par mail ou papier à la mairie de Boin, à Loire-Forêt Agglomération, au sous-préfet de Montbrison notamment, enfin pour montrer son opposition à ce projet. Mais tout à fait, parce qu'en fait je parlais des émanations, il y a eu des instances comme l'Agence régionale de santé qui ont donné 3 avis négatifs successifs, la mission régionale d'autorité environnementale également, et qui dont il n'a pas été tenu compte. C'est également à proximité donc, d'une zone humide, vraiment, enfin juste à côté. Et donc, il y a un risque de pollution de toute la chaîne des étangs du Forêt. Enfin, vraiment, il y a des questions qui se posent, quoi. Donc, Oui, et puis pas loin aussi d'un établissement donc, scolaire, donc avec tout le trafic aussi que ça va générer, forcément. Et puis, donc, les odeurs et émissions, voire toxiques, voire peut-être dangereuses mais pour la santé fait. Publique. Hein, mais les poussières fines et autres. Ça, c'est pour la centrale à bitume, Liken. Donc, 16 Goudron, le collectif Bol d'Oxygène aussi, qui est très présent sur cette lutte, qui seront donc présents pour cette soirée du 11 février. Oui. Et puis également, pour compléter cette table ronde rencontre. Donc il y aura par rapport à un projet de centrale éolienne à Gumière. Ça, c'est dans les Monts du Forêt. Donc c'est un village là-bas. Et... un projet de 6 centrales. Alors, c'est des centrales, c'est par un promoteur industriel. Hein. C'est pas contre l'éolien en soi, c'est la façon dont il se passe et où. C'est sur un espace naturel sensible. Et donc, pour des éoliennes, il faut beaucoup de béton au niveau du socle pour les maintenir. C'est 60 camions toupies par éolienne, et là donc il s'agit de 6, et donc l'impact serait vraiment conséquent et désastreux sur la faune, la flore, le paysage et aussi la ressource en eau, donc parce que c'est, il y a une rivière qui prend sa source dans le secteur, qui est la Mare, et qui dessert plusieurs communes des Monts du Forêt, donc il y a aussi des tourbières à proximité, et c'est vraiment un projet en fait industriel. Ceux qui font ça, ça, c'est des promoteurs, quoi. Ils feraient ça comme vendre des boîtes de petits pois. Pour eux, c'est juste un moyen d'avoir de l'argent, quoi. Il y a absolument rien de citoyen là-dedans. La municipalité s'y était opposée, avait essayé de s'y opposer le plus longtemps possible. Il y a les riverains qui sont vraiment vent debout, enfin, une bonne partie du village, des habitants contre ça. Et il y a une association qui s'appelle l'APPE, Association pour la Protection du Patrimoine et de l'Environnement, donc qui lutte contre ça là aussi depuis des années, et qui fait son assemblée générale dans 10 jours, le samedi 14 février à 15h à la salle des fêtes de Gumière. Donc si certains aussi veulent en savoir plus, se soutenir, c'est une bonne occasion. Sur ce projet éolien, merci. Et puis pour compléter encore donc, les présences et donc luttes représentées lors de cette soirée du 11... Il y aura également donc représentant de la lutte des sucs, donc apparemment ici sur cette antenne tu avais l'occasion d'en parler, donc projet de déviation sur deux villages sur la RN88 entre Saint-Étienne et Le Puy qui impacterait donc plusieurs dizaines, 120 hectares de terres agricoles et 25 hectares de zones humides. Pour un gain de temps minime, et puis il y aurait encore un certain nombre d'autres impacts. Un coût énorme, hein. Enfin, c'est affiché de 226 millions d'euros, mais sans doute qu'il sera largement dépassé. Donc là aussi, il y a du monde qui lutte contre ça depuis des années, entre autres au niveau juridique, mais on sait bien que les recours n'aboutissent pas toujours. Il y a eu des festivals, il y a eu vraiment différentes choses, il y a eu la plantation de pommes de terre. Enfin, oui, tout un ensemble d'actions. Ouais. Exactement, et donc il y a déjà un peu des ouvrages qui avaient été réalisés. Et là, malheureusement, il y a un viaduc, enfin, c'est un peu sur la partie centrale du tracé, qui là commence à être construit. Donc il y a une veille citoyenne aussi sur ce qui s'y passe. Et là aussi, il est possible d'avoir des informations donc, en allant sur leur site, lalutedessucs.noblogs.org. D'autres luttes locales présentes ? Et enfin, donc, y en aura une quatrième, donc, qui est un petit peu plus à distance, mais qui reste régionale. Exactement, c'est contre le Lyon-Turin. Ouais, on a aussi beaucoup parlé déjà. Alors là, c'est un projet qui est vraiment pharaonique. Mmh. Donc c'est un projet de faire une deuxième ligne de train entre Lyon et Turin en creusant plusieurs dizaines de kilomètres donc, de tunnels, alors qu'il y a déjà une ligne de train qui est sous-utilisée. Hein. Mmh. Exactement. Et là, c'est un projet à plus de 30 milliards d'euros. Enfin, c'est énorme. Il n'est même pas totalement encore budgété. Oui, tout à fait, avec l'Italie. Il y a une grosse mobilisation aussi depuis des années en Italie contre ça. Donc il y a eu là aussi plusieurs autorités administratives, la Cour des comptes entre autres, qui a rendu des avis négatifs. Mais bon, des fois, les avis négatifs, le pouvoir n'en tient absolument pas compte. Et donc avec énormément des millions de mètres cubes de terre qui sont excavés, 1500 hectares impactés, des centaines d'hectares exploitation agricole. Donc là, c'est gigantesque. Et là aussi, il y a des festivals ou autres qui ont été organisés. Et donc, il y aura un représentant également le 11 février pour nous en parler. Et il y a un site internet là aussi, c'est stoplyonturin.fr. Eh bien, merci pour ce déjà bon tour de table et qui annonce celui, donc concrètement et physiquement, à suivre en présentiel ce 11 février prochain au Méliès Jean Jaurès à partir de 21h. Merci beaucoup, Liken, pour la présentation de à la fois de ce film et de cette soirée et de ces luttes locales. Je rappelle que, finalement, un peu dans la même veine que ce film de Thomas Lacoste, un autre film documentaire autour, finalement, des soulèvements de la Terre, c'est le film de Vincent Verzat. Le vivant qui se défend. Le vivant qui se défend, qui avait aussi fait l'objet d'une rencontre au Méliès, Saint-François cette fois, avec des luttes locales également qui avaient été présentées et représentées. Tout à fait, et nous participerons à une soirée organisée par le Centre Social de Mably, donc à côté de Rouen, le 13 février à partir de 18h30 avec ce documentaire. Et une dernière chose, si certains souhaitent nous rejoindre, bienvenue, donc les soulèvements du forêt. Donc nous, on n'a pas de site internet, mais on a une adresse mail, donc c'est lessoulèvementsduforêt@mailo.com. Et merci pour l'invitation. Merci. Le temps passe très vite, hein, je l'avais dit, et simplement peut-être envoyer aussi sur notre site internet radiodio.org, puisque je parlais de cette rencontre autour du film Du vivant qui se défend qui avait eu lieu le 16 octobre dernier. J'avais réalisé un magazine des mots des sons sensibles spécial autour de la retransmission de cette table ronde que j'avais eu l'occasion d'animer d'ailleurs, qui avait été diffusée le 3 novembre sur notre antenne et qui depuis le 7 janvier dernier est en ligne sur notre site et où vous retrouvez justement des associations comme 16 Goudron, la lutte des sucs et d'autres encore qui donc étaient présentes. Bon nombre d'infos et tu évoquais notamment des sites naturels remarquables finalement qui bien souvent d'ailleurs font partie des arguments pour défendre aussi les luttes justement en tout cas en termes d'argumentaire et notamment juridique, on sait que c'est un gros levier possible. Depuis ce 2 février, en tout cas c'est le 2 février mais c'est aussi tout le reste du mois, la journée des zones humides. Alors justement, il y a une convention qui a été signée en 1971, donc tout ce qui concerne les mares, étangs, marais, ruisseaux, tourbières, prairies inondables et tant d'autres qui sont célébrées donc le 2 février, mais c'est l'occasion durant tout ce mois de février de s'informer aussi et de découvrir ou redécouvrir la beauté, la richesse et l'utilité de ces zones humides. Vous avez un site dédié, zoneshumides.org, et vous retrouvez toutes les infos concernant justement ces zones humides là. D'autres infos que j'avais relevées, elles sont très nombreuses, je ne vais pas pouvoir à mon avis tout annoncer, mais je sais que le journal magazine que tu connais sans doute, Liken, la revue Silence autour de l'écologie, des alternatives et de la non-violence, vient de faire paraître son nouveau numéro de février, et il est bien entendu dans le cadre des brèves de ce journal l'occasion d'annoncer justement la lutte de la 69, le projet contournement autoroutier d'Arles qui là aussi existe depuis une trentaine d'années, revenir sur d'autres luttes contre des fermes et pas des usines, un méga poulailler également qui concerne les communes de Saint-Branché avec 30 000 poulets, là aussi c'est une des actions qui est menée, et bien d'autres bien sûr au travers de cette revue qui a pour thématique, c'est un dossier à chaque mois, partager la terre, justement. C'est une revue qu'on peut trouver dans certains magasins bio, notamment. Et puis plein de points ici, d'ailleurs aussi, des librairies, des cafés, je pense au remue-ménage, par exemple. Associatif, voilà, tout à fait. Et bien d'autres. Et puis, on parlait de l'eau, zone humide, mais de l'eau également. Tu connais sans doute le forum Partageau et le collectif Partageau dans la Loire, qui s'associe pour cette soirée, c'est ce 5 février, attention si vous suivez la rediff, mais ça se... passe ce jeudi 5 février au Méliès Saint-François, justement à Saint-Étienne, au 8 rue de la Valse. C'est une soirée autour du film Plastique Odyssée. C'est autour de la question donc, de la pollution plastique, bien sûr, avec une exposition du Forum Partageau, un apéro musical. C'est à partir de 18h. Et on avait reçu plein d'autres infos, d'ailleurs, liées au collectif Partageau et au tiers-lieu rural Le Treuil, par exemple, dont ce 6 février, une conférence débat sur les conséquences de la pollution environnementale sur la santé. C'est sur la commune en périphérie stéphanoise de la Talaudière, c'est organisé par le conseil départemental des associations familiales laïques. Voilà, conférence débat, donc pathologie neurologique de l'enfant et de l'adulte, impact des perturbateurs endocriniens, cancer et environnement, état des lieux, piste de prévention, avec des professeurs spécialistes sur ces questions. Ce vendredi 6 à 18h30 au pôle festif, 8 rue du Stade à la Talaudière. Et puis pour poursuivre et continuer ce programme des mots des sons sensibles, je vous l'avais annoncé en sommaire, on enchaîne et on poursuit en musique cette fois. Partie culturelle dans ce programme des mots des sons sensibles avec la soirée punk rock annoncée du côté du Phil ce vendredi 6 février avec les groupes Not Scientist, Vulgaire Machin et Les Shérifs qui sont de retour. Alors l'occasion est bien justement d'un petit flashback et d'un retour sur cette interview que j'avais réalisée auprès des Shérifs en 2018 lors de leur venue à Saint-Étienne, c'était au Clapier. Alors on écoute ça et une place vous attend au bout du fil du 895 de Dio, le 0477 438 895. Écoutez la saga des Shérifs. Écoutez l'histoire, attends la gloire de ces 5 Shérifs, juste un rien subversif, à force de planter, ils se sont mis assez. Y'en a mal au monde, on fait le coup de rock'n'roll. We'll transe à travers toute la France, de saloon en saloon, triste chante des clowns, lâché de faire la loi, il jurait sur la foi. Fini les vacances, maintenant on va prier des banques. Écoute l'histoire, argent dans nos baignoires, ouais, de ces cinq chéris. Allez, parfait. Ok, c'est parti. Dio 89.5, en direct du Clapier, Saint-Etienne. Interview avec les Shérifs. Concert ce soir, événement à Saint-Té, avec Negative Runners, avec les Shérifs, avec Faux Départ. Belle affiche. Olivier est avec nous, leader, bonjour, chanteur des Shérifs. Salut. Bonjour. Bienvenue au micro de Dio. J'imagine que c'est pas une première. Moi, en 84, j'avais 10 piges. Et j'imagine que sur Dio, t'es déjà... passé et repassé, non ? Je me rappelle pas vraiment. Mais... C'est vrai, pas de souvenir ? Non, pas vraiment. J'ai dû passer, on en parlait tout à l'heure, mais je me rappelle pas vraiment. Saint-Étienne, je sais pas, je me rappelle Saint-Amand. Ah si, un bar à Saint-Étienne, comment ça s'appelait ? Hein ? Deux ? Ah ouais ? Ah non, c'est pas celui-là qu'on se disait. Mais... Mistral Gagnant. Mistral Gagnant, voilà. Mistral Gagnant. Ah, oui. Mais, et la région alors ? La région, moi, je la connais pas du tout. Vite fait. On a avec Sylvain aussi, Sylvain, la France Plus sur Dio, et puis Corga de concert ce soir. Sylvain, t'as préparé une belle petite liste, c'est bien, on va faire la liaison Saint-Et-Montpellier ce soir, c'est parfait. T'avais une question d'ouverture et d'entrée en matière, Sylvain ? Donc moi, je vous ai vu comme 6999 autres personnes à Montpellier pour le concert de reformation qui devait être unique. Ouais, ça s'est terminé par hisser le drapeau noir, merci à tous, à donc 15 ans. Ouais. Et puis finalement, non quoi. Et ouais, finalement, le concert avait été filmé, donc il y en a qui voulaient le sortir. Et le sortir, ça voulait dire faire quelques concerts en plus pour, voilà, quoi, pour l'annoncer, pour le vendre, tout ça. On a réfléchi longtemps quand même, parce qu'on est reparti qu'en 2014, donc pendant 2 ans on s'est posé la question, parce qu'il y en a qui bossaient, tout ça, donc c'était pas facile. Et voilà, pendant 2 ans on a réfléchi et tout, et puis finalement on y est allé. Voilà. On y est allé pour durée indéterminée, quoi. En fait, on ne sait pas exactement, à chaque fois on se dit bon, on va faire 1 an, et puis après, parce que nous on ne cherche pas de concert ni rien, donc c'est les gens qui nous appellent pour les concerts, donc... Comme on aime bien faire plaisir aux gens, on dit oui à chaque fois, et voilà. Ouais, puis là, la demande, enfin moi, de ce que j'en ai vu, on va dire sur Internet ou des choses comme ça, elle est constante, quoi. Bah, tant qu'il y a de la demande, elle est constante. Et puis là, ce soir, c'est complet. J'ai vu que la date précédente, c'était complet aussi. Ouais, je pense que les suivantes, ils risquent de l'être aussi. Ouais, donc c'est pour ça qu'on continue. Ce qui est presque, différent de... On va dire les dernières années des Shérifs, quoi. Ah oui. Enfin, nous, les dernières années, il y avait beaucoup de monde, mais ça commençait à baisser parce que le rock était plus trop à la mode à la fin des 90. On sentait que ça commençait à baisser. Et donc, voilà. Alors, donc, initialement, les chansons des Shérifs, pour la plupart, c'est quand même des histoires de losers, quoi. De jeunes losers, quoi. J'imagine que depuis 20-25 ans, avec l'âge. Peut-être vous losez un petit peu moins, quoi. C'est sûr, mais bon, je veux dire, après la musique, bon, on n'a pas fait non plus. Disons que c'est la musique qui nous a quand même monté le plus haut, parce que après, ce qu'on a fait après, voilà, quoi, on a tous des boulots de trimard, quoi, à côté. Donc, alors, bon. Du coup, vous rejouez, faites des concerts, mais en termes de nouveaux morceaux, par exemple. Ben, on en a qu'un, on va le jouer ce soir d'ailleurs. Cool. Voilà, parce qu'on nous avait demandé pour une compile de faire un morceau. Donc on s'est dit, on va faire un morceau. Mais sinon, le problème, c'est qu'on répète presque pas. Donc, pas facile de faire des nouveaux morceaux. Et puis, j'ai pas forcément peut-être grand-chose à dire. Donc, je sais pas trop. Mais peut-être on en fera d'autres, on ne sait pas. Ouais, parce qu'il faut préciser, en fait, le dernier album, il date de quand ? 97-98, et après c'est, ça a été la sortie live essentiellement. Ouais, bah et après, vous êtes un peu d'ailleurs parti sur ce principe en disant si on ressort des choses, les Shérifs c'est que du public, que du live. Ouais, bah, disons, je sais pas comment dire quoi. Nous là on joue, on fait quoi, on fait 10-15 concerts par an pour s'amuser quoi. Si on refait un disque, ça veut dire re-rentrer dans la chaîne quoi, re-rentrer dans le business, ça veut dire tourner, faire des albums et tout. Et on n'a plus envie de revivre ça. On a arrêté parce qu'on en avait marre de ça, on va pas le refaire. Ouais, alors justement, vous avez arrêté parce que vous en avez marre, il y a un morceau sur, je crois que c'est Electrochoc, hein. C'est pas Verdun, ouais. Qui est un peu annonciateur de la fin, quoi. C'est un peu le pendant négatif de la saga des Shérifs. Quoi. Ouais, exactement. Et alors, juste avant, on parlait avec un pote qui joue dans Faux Départ avant vous ce soir, là, et qui est aussi un bon fan des Shérifs, quoi. Et on se disait, il y a pas mal de gens qui débranchent sur leurs textes simplistes, en gros, en sous-entendant que c'est un peu du rock pour demeurer, quoi. Ouais, ça vous fait pas chier, ça? Ah, ça m'a fait chier longtemps, mais disons que ma revanche, c'est de voir les gens chanter les textes dans la salle, quoi. Parce que quand on joue, t'as 90% des mecs qui chantent tous les textes, tu vois. Donc, ce qui te permet de pas avoir voilà, par non, cœur, mais voilà, quoi. Ouais, non, mais voilà, du coup, je me dis, bon, voilà, ils sont pas si nuls, mes textes, quoi. Non, carrément pas. Et puis, voilà. Bon, encore sur Electrochoc, il y a un morceau qui s'appelle Envie de mordre. Ouais. Qui est très contemporain, quoi. Ouais. Enfin, bref. Voilà, vous êtes issu de ce qui a été appelé en France le rock alternatif, quoi. Résultat des courses en 2018, il reste pas grand-chose de tout ça, quoi. Et à l'époque, dans les années 80, moi je me rappelle de certains fanzines ou certaines personnes qui avaient une bonne tendance à critiquer les Shérifs parce que les Shérifs n'étaient pas suffisamment radicaux, suffisamment impliqués dans les choses à leur goût. Et au final, en 2018, il reste plus grand monde de ces gens-là, quoi. Par contre, il y a toujours les Shérifs. Et les rats. Et les rats, ouais. Et les Vampas aussi, par exemple. Ouais. Et les Vampas, ben, c'est un peu comme nous. Enfin, disons que nous, on est des groupes. Nous, on s'est toujours dit, on ne va pas changer le monde avec de la musique. Hein. Donc, on le savait très bien. On voulait juste s'amuser, faire passer du bon temps aux gens, quoi. Et sinon, on est engagé dans notre vie, à nous, mais on n'est pas obligé de le dire dans les textes. Et puis, je trouve qu'il y a des gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, que je pourrais le faire. La souris ou OTH et tout, donc j'allais pas trop me lancer dans des textes comme ça. Je préfère raconter ma vie à mon niveau. De toute façon, c'est toujours ça, quand tu racontes ta vie, tu racontes la vie des autres en fait, puisque t'as la même que les autres. Donc, ouais, bon, et puis l'implication, moi, elle vient de là aussi. C'est que cette vie-là, elle parle à un certain type de personne. Ouais, bah, ouais. On m'a parlé d'une éventuelle sortie d'une discographie d'un groupe qui s'appelle Von. Ah oui, oui, oui, oui, je l'ai. Il me l'a envoyé le CD. Ça fait un moment qu'il a le mec, c'est un historien du rock'n'roll, hein, il ressort des trucs des années 80 de folie, et il est allé retrouver, hein, ouais, poche, ouais. Il est allé retrouver des trucs, moi je savais même pas que ça existait encore, je croyais que j'avais pas fait les voix dessus, en fait il y a les voix, c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas comment, où c'est qu'il a trouvé ça, mais enfin bon, c'était le groupe qu'on avait avant les Shérifs, c'est du pré-Shérif, et franchement on était très mauvais. Donc, vaut mieux même pas qu'il le sorte. Ah, mais je pense que ça intéresse du monde quand même. Ouais, ouais, ça peut être rigolo, voir ce qu'on faisait avant les Shérifs. Mais bon, y avait Manu avec moi déjà. Ça ressemble quand même assez aux des Shérifs immatures. Donc, les Shérifs, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et ça parle de Nana, essentiellement, qui était ma préoccupation à 16-18 ans. Mais il n'a pas encore sorti d'ailleurs le truc. Hein. Je sais pas, il m'a envoyé le CD, mais ça fait déjà un moment. Hein. Ça fait bien un an et demi qu'il a, mais il dit qu'il va le sortir. Puis pour le moment, moi, je lui dis oh, pas la peine, sort pas ça. Ah, mais le 45, ouais. Ouais, mais il a trouvé des trucs de fou. Il a trouvé des enregistrements qu'on avait fait à Rouen et tout. Enfin, truc de malade. Attends, retourne-en, croyez pas ce qu'on vous dit, c'était... Et voilà, extrait d'interview réalisé en 2018 auprès d'Olivier, chanteur des Shérifs, alors qu'il se produisait au Clapier. Ils sont de retour. Alors voilà, bah c'est un peu à l'inverse de ce qu'il pouvait dire à l'instant. Finalement, les Shérifs ont bel et bien été de retour et rentrés un petit peu dans le schéma sortie, tournée, etc. Et donc, il y a eu un album studio qui était paru, j'ai plus 3 ans après, Le Grand Bombardement Tardif, et puis un live encore il y a 2 ans de ça, Près du Chaos. Donc finalement, voilà, c'était quand même, et c'est toujours le retour des Shérifs qui se produiront justement en salle Le Fil à Saint-Etienne avec les Vulgaires Machins et Not Scientist. C'est ce vendredi 6 février. Salle Le Fil, un partenariat Dio, bien entendu. Et oui, les Shérifs, c'est quand même aussi toute une époque, début des années 80, le rock alternatif, comme le précisait Sylvain qui assurait l'interview avec moi. Justement, c'est Gouniaf Mouvement aussi, c'est Parabellum, Hot Pants, les Tugs, les Rats, et bien d'autres, bien entendu. Alors, justement, les Shérifs. Pour 2026, c'est une année un peu spéciale. La date de ce vendredi est la reprise d'une tournée pour tout ce début d'année 2026 jusqu'à cet été, donc comme quoi. Hein. Et en plus, c'est l'occasion de fêter, alors je crois que c'est leurs 40 ans donc du coup d'existence, ça doit faire ça là, si on est en 80, ouais à peu près, un peu plus, voilà. Puisqu'ils fêtent ça finalement un peu sur la durée aussi. Et c'est aussi les 20 ans de leur label, Kicking Records, voilà, qui les accompagne depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, une tournée qui redémarre au fil ce 6 février, puis qui va se poursuivre un peu partout en France jusqu'à cet été. Comme je disais, il y a même des dates à Montréal, enfin bon, grosse tournée pour les Shérifs, voilà, en concert donc ce vendredi soir. Pour la toute fin de ce programme démo des sons sensibles, quelques infos quand même que j'avais retenues. Je ne vous ai pas diffusé l'interview en intégralité, c'est dommage, je le regrette, mais quelques infos néanmoins à vous faire part, vous rappeler, attention si vous suivez la rediff, mais il y a cette rencontre ce jeudi 5 février à 18h30 à l'Amicale Laïque du Crédroc autour du livre Sociologie de Saint-Étienne, c'est le retour. Ce livre était paru en 2020, alors là je l'ai sous la main, c'est un petit livre collectif paru aux éditions La Découverte avec Valérie Salapala, Christelle Morel-Journel, Georges Gay, Nicolas Cauchy-Duval et Vincent Béal. Et en fait ce livre connaît aujourd'hui une sorte de réédition un peu augmentée avec des retours critiques, des nouvelles données, de nouvelles analyses finalement, et notamment de la sociologie électorale. Il y avait toute une partie dont je vous aurais bien fait part sur Saint-Étienne qui avait plutôt basculé à gauche avec un retour plutôt avorté du FN, avec toute une historique hein, finalement jusqu'à la dernière élection municipale de 2014, ces deux mandats qui viennent enfin de se boucler, ou presque, et qui vont être remis en jeu bien sûr les 15 et 22 mars prochains. En tout cas voilà, c'est une nouvelle rencontre autour de cet ouvrage, et c'est donc à l'Amicale Laïque du Crédroc à partir de 18h30. Pour rappel, pour voter et participer aux prochaines élections municipales justement, vous devez être inscrit sur les listes électorales de votre commune, et si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'à ce 6 février pour vous inscrire en mairie, ou mais c'est dépassé, c'était jusqu'à hier pour s'inscrire en ligne. D'autres infos à vous faire part, cela fait l'objet d'une émission sur cette antenne, commémoration pour les morts et mortes disparus en mer, ceux qui migrent et celles pour vivre et pas pour mourir, une commémoration comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, une sorte de journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux frontières, et pour exiger surtout la fin des violences, exiger la vérité, la justice, la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles. C'est ce 6 février, 18h place du peuple, un repas dans la foulée, et puis ça se poursuit en musique et de façon assez conviviale et le plus festif possible aussi, à la MJC des Tilleuls, 8 rue du Pavillon Chinois à Saint-Étienne pour ce 6 février. Dans les d'autres petites infos également que j'avais peut-être sélectionné et retenu, on parlait de cinéma. Je voulais juste annoncer quand même cette rétrospective autour de Raoul Peck à l'Institut Lumière qui va démarrer ce 7 février jusqu'au 1er mars, à l'occasion de la sortie bien sûr de son nouveau film qui est un retour sur l'œuvre engagée donc du cinéaste haïtien Raoul Peck, maître du cinéma politique contemporain, et qui sort ce nouveau film autour d'Orwell, Orwell 2+2=5. Il y a une avant-première en présence de Raoul Peck à l'Institut Lumière à Lyon ce 10 février à 19h30, et puis il sortira en salle à Saint-Étienne à partir du 25 février. Puisqu'on évoque Lyon, vous annoncez encore une soirée concert au Marché Gare ce vendredi 6 avec les Rennais de Gwendoline et puis nos Stéphanois de Monica, voilà, qui ont une actualité un peu chargée parce qu'ils étaient sur les Inouïs du Printemps de Bourges. On attend impatiemment ces sélections, présélections. Ce fut notre coup de cœur, nos talents sur scène 2024, et donc ils partageront l'affiche avec Gwendoline ce vendredi 6 février au marché Gare à Lyon. Voilà pour toutes les infos que je voulais vous glisser, à part peut-être une dernière, aller en spectacle, parce que c'est une sorte aussi de petit événement. C'est une pièce intitulée 4211 km et qui est tout à fait en résonance avec l'actualité, même si cette pièce date d'il y a déjà quelques temps. C'est une pièce qui raconte justement l'exil. C'est la distance entre l'Iran et la France, entre Paris et Téhéran plus précisément, et voilà, qui bien sûr fait aussi l'actualité avec ce que le mois de janvier a été marquant, difficile, douloureux, et c'est rien de le dire, du côté des révoltes iraniennes. Donc voilà, une pièce qui revient sur cette question de l'exil, du déracinement et de la culture iranienne, bien sûr, un point de vue aussi, et un témoignage bouleversant sur l'Iran d'aujourd'hui. C'est une pièce qui a reçu le Molière du Théâtre 2024, Révélation féminine 2024, donc voilà, pour vous dire que c'est une pièce qui voilà, a eu une certaine... un certain succès, et ce sera joué ce jeudi 5 février. Attention, si vous chopez encore la rediff, c'est ce soir à 20h. Ce sont les communes de la Talodière et Sorbier, donc le Souk, centre culturel, et le service culturel et la salle L'Échappée, où se déroulera cette pièce, qui propose donc ce spectacle-là, 4211 km. C'est à partir de 20h à L'Échappée, 17 avenue Charles de Gaulle à Sorbier. Voilà, c'est la toute fin de ce programme, cette fois des mots, des sons sensibles. On se retrouvera d'ici quelques jours, à partir du 16 février, si je ne me trompe, parce que petite coupure due aussi à ces périodes parfois de vacances dites scolaires. Donc un peu de coupure, et on se retrouvera donc d'ici quelques jours. On va terminer en musique avec une actualité musicale. Justement, c'est un album qui est attendu pour le 13 mars prochain. C'est leur 10e album, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement, on va voyager un petit peu, c'est le groupe Tinariwen qui est de retour, le grand groupe Tinariwen. 10e album donc, l'album Hogar sortira au mois de mars prochain, je vous en propose un extrait en exclusivité ou presque sur le 895 de Dio. Tout bon chez vous, portez-vous très bien, belle fin de journée, semaine et plus. Ciao, bye. ولا سلاد للدينا طعمط ولا سلاد للدينا دا كيترها ولا ركج ليما دا كيترها ولا ركج ليما شعرها الأشقر الأرواح من دون أن تنظر دكيت السوفا مدن تيلا دكيت السوفا مدن تيلا فالورجة ويلا كفيت بطينا ساكتنا جما ورجينا شعرها الأشقر العيني والجلد والخدي حلوة العيني والجلد والخدي يا بسمة تسحر من سعرها العنبر يا بسمة تسحر من سعرها العنبرا شعرها الأشقرا وثوبها الأصفرا شعرها الأشقرا